Chapitre 20. Rosemonde était heureuse d'une joie calme. Elle croyait la pauvre enfant avoir tout gagné en gagnant du temps, et parce qu'elle s'était tenue entre son amour et son devoir, parce qu'elle avait transigé avec la passion tout en satisfaisant sa conscience, elle était contente d'elle et se répétait que Dieu et Albine devaient être contents aussi. « 2 ans, c'est si long !» se répétait-elle. « D'ici là, Évrard, hélas, ne m'aimera sans doute plus. Je lui aurais pourtant sauvé tout remords. En attendant, je pourrais le garder près de moi, et si dans 2 ans il m'aime encore... Mais vous êtes témoin, ô mon Dieu, que je suis bien certaine qu'il ne m'aimera plus. » Pour Évrard, il quitta Rosemonde ivre d'amour et fou de joie. « 2 ans, c'est bien court, disait-il, puisque je la verrai toujours. J'emploierai ces 2 années de noviciat à la persuader de mon amour et de ma tendresse. Je ne crois pas m'être trompée sur les dispositions de mon père. Je l'éprouverai d'ailleurs. J'essaierai, c'est une ruse que Dieu me pardonnera, j'essaierai de l'alarmer sur mes projets futurs et de lui faire croire à mon ambition. » Il sera heureux alors de trouver, à la place d'une exigence légitime qui l'effraierait, un amour qui le rassurera. Il me laissera faire tout ce que je voudrais en m'accablant de reproches. Et Rosemonde, trop fière pour m'accepter noble et puissant, est trop dévouée pour me repousser seule et abandonnée. Oui, c'est cela. Dès aujourd'hui, je vais écrire à mon père et l'inquiéter par quelques phrases détournées. Relisons d'abord, pour me guider, le billet qu'il a écrit autrefois à Jonatas et où il renonce à son autorité si je veux renoncer à mes droits. Ce billet, Évrard l'avait serré précieusement dans sa chambre au château d'Epstein. Il s'achemina donc à pas lents et la tête baissée vers les hautes tours du manoir de famille, tout en combinant les termes de la lettre qu'il voulait écrire au comte. Il l'avait à peu près composée dans son esprit quand il arriva aux portes du château. « Oui, c'est ainsi qu'il faut le prendre, disait-il. C'est bien cette corde qu'il faut toucher. Mon succès est presque certain, et il faut bien que je recoure à une lettre d'ailleurs, puisque mon père a juré de ne plus revenir à Epstein. » En se parlant ainsi, Évrard, le cœur tout joyeux, franchissait lentement le seuil de la grande porte, lorsque, en relevant la tête, il aperçut debout devant lui, sombre et hautain, le comte Maximilien en habit de deuil. Le même frisson courut dans les veines du père et du fils. Le comte Maximilien d'Epstein appartenait à cette race tortueuse et cauteleuse de politique qui regarde la ligne droite comme le plus long chemin d'un point à un autre. Un étranger qui eût observé l'attitude et l'accent qu'il prit en recevant Évrard eût pressenti que le diplomate, à travers les 1000 détours et les 1000 périphrases de sa parole, avait un but caché qu'il ne perdait pas de vue. On voyait qu'il voulait, le profond et l'habile, sonder et étudier son fils avant de prononcer un mot mystérieux qu'il retenait sur ses lèvres et ménageait comme un auteur dramatique ménage sa péripétie. « Monseigneur d'Epstein ?» murmura enfin Évrard stupéfait. « Dites votre père, Évrard, et venez m'embrasser, mon fils, » répondit le comte. Évrard hésita. « J'avais hâte de vous revoir, » continua Maximilien, « et c'est pour vous revoir que j'arrive de Vienne en 4 jours. »« Pour me revoir, monsieur ?» balbutia Évrard. « Vous revenez pour me revoir ? Songez donc, mon fils, que voilà 3 ans que je ne vous ai vu, 3 ans que ces odieux soucis de la politique me retiennent loin de vous à Vienne. Mais que je vous fasse compliment, Évrard. J'avais laissé un enfant et je retrouve un homme. Vous avez un air mâle et charmant qui me ravit, et en vous revoyant si différent de ce que vous étiez, mon cœur de père se sent plein de bonheur, d'orgueil et de joie. Monseigneur, dit Évrard. Si je pouvais vous croire, vous me rendriez moi-même bien fier et bien heureux. » Évrard ne pouvait revenir de sa surprise. Était-ce bien le comte Maximilien, autrefois si dur et si cruel, qui lui parlait maintenant avec cette douceur et cette bonté? Aussi, malgré la candeur de son âme, Évrard, éclairé par l'instinct de l'amour, devinait un piège et se tenait sur ses gardes. Le comte, de son côté, épiait sur le visage d'Évrard ses impressions et ses pensées. C'était un singulier spectacle que l'entrevue, après 3 ans d'absence, de ce père et de ce fils, se soupçonnant l'un l'autre en s'embrassant, jouant l'un vis-à-vis de l'autre au plus fin avec 1000 protestations, et comme si, joueurs ou duellistes, ils avaient à la main des cartes ou des épées, scrutant leurs regards et leurs mouvements au milieu de leurs paroles paternelles et filiales. « Oui, Évrard, continua le comte du même ton posé et avec le même regard interrogateur, vous ne sauriez imaginer avec quelle satisfaction je me rapprochais d'Epstein et quelle fête je me faisais de revoir un fils que j'avais un peu méconnu et trop négligé peut-être, mais qui me pardonnera, je l'espère, cet oubli apparent en faisant la part des ennuis qui m'obsèdent. Dans votre isolement, Évrard, et je le déplore amèrement aujourd'hui, la science des livres et la connaissance du monde n'ont pu vous arriver. Mais avec une nature généreuse comme l'est certes la vôtre, l'éducation ne vient jamais trop tard. Voici, continua le comte, le savant docteur Blasius que je vous présente et que j'ai amené de Vienne pour voir où vous en êtes et pour vous élever au degré d'instruction qui vous est nécessaire. » En ce moment, Évrard vit s'avancer par une porte du vestibule un homme grand, sec et noir. Cet homme, quand on prononça son nom, salua profondément Évrard en balbutiant quelques paroles dans lesquelles son futur élève ne distingua que les mots « monseigneur » et « dévouement ». « C'est cela, » pensa Évrard, « et les respects de mon professeur, comme les caresses de mon père, m'éclairent. On veut savoir si je ne serai point, par hasard, devenu dangereux, et si je suis bien resté l'enfant ignorant et inoffensif d'autrefois. Le moment est venu de jeter dans leur cœur soupçonneux quelques alarmes et de leur montrer que je puis, au besoin, reconnaître et traverser leurs projets. « Mon père, » répondit le jeune homme en s'inclinant, « je vous sais gré, ainsi qu'à monsieur, de vouloir bien apporter à un pauvre reclus la science dont, en effet, je suis d'autant plus avide que je n'ai pu jusqu'ici en recueillir qu'une bien faible portion. »« Hélas !» reprit Maximilien. « Oui, c'est un reproche à me faire à moi bien plus qu'à vous. Mais tout peut encore se réparer, n'est-ce pas, docteur Blasius ?» « Sans nul doute, monseigneur, sans nul doute, » répondit le professeur patenté, « et j'aime 1000 fois mieux m'adresser à un esprit neuf, pareil à une table rase, à une feuille blanche où aucun signe n'a encore été tracé, qu'à une intelligence faussée par des doctrines et des principes erronés. Nous aurons tout à faire, mais rien à défaire, et c'est beaucoup. « Je vous remercie d'espérer, » dit le comte. « Et moi, de ne pas désespérer, » dit Évrard, dont l'esprit ferme et loyal s'indignait de la comédie à laquelle il croyait assister, et qui prenait un singulier et amer plaisir à mêler son ironie à leur fausseté. « Nous allons donc, » reprit le docteur, et je m'en applaudis, « nous allons donc, je le répète, prendre toutes choses à leurs éléments. » Histoire, langue, science, philosophie. Pour ne pas perdre de temps, dit Évrard en observant sur le visage de son père l'effet de ses paroles, nous ferons bien, mon cher professeur, de laisser là les résultats que je crois posséder assez bien et de remonter tout de suite ensemble au principe. Ainsi, pour nous en tenir à l'histoire, je crois que vous n'aurez pas grand-chose à m'apprendre sur les faits. Mais je serais heureux de causer avec un homme aussi éclairé que vous sur la philosophie que contiennent les événements. Êtes-vous, comme moi, pour Herder contre Bossuet, monsieur le docteur ? Le comte et le docteur se regardèrent étonnés. « Quant aux langues, reprit Évrard, je sais assez bien le français et l'anglais pour expliquer Molière et Shakespeare à livre ouvert. Mais si vous voulez bien me faire descendre plus avant dans la pensée de ces grands génies, étudier avec moi l'esprit après la lettre, je vous promets que vous trouverez en moi, docteur, un écolier, sinon bien intelligent, du moins fort attentif et fort zélé. » Maximilien et Blasius ne pouvaient revenir de leur surprise. « Évrard, s'écria le comte, qui donc a pu vous rendre si savant dans votre solitude ?»« Ma solitude même, dit Évrard, qui sentit que c'était là surtout qu'il devait redoubler de prudence. » Oui, j'emportais dans les bois des livres de la bibliothèque, grammaire, chronique, traité de mathématiques. Je ne les quittais qu'après les avoir compris. Je fécondais mes lectures par la réflexion. J'ai eu de la peine, sans doute. Les sciences exactes, surtout, m'ont donné beaucoup de mal. Mais à force de patience et de courage, j'ai triomphé des difficultés et j'ai eu la joie de voir un jour, en trouvant sous ma main le programme des connaissances exigées par les écoles du gouvernement, que je pourrais me présenter avec confiance aux examens des écoles militaires comme à ceux des universités, et que, si je vous suivais même à la cour, mon père, loin de vous donner à rougir de moi, je vous ferais peut-être quelque honneur. « Est-il possible ? » s'écria le comte. « Mais c'est un miracle, docteur, un véritable miracle. Voyez donc à l'interroger, car je n'y puis croire. Rentrons, rentrons vite, docteur, j'ai hâte d'être rassuré. Et toi, Évrard, mon cher fils, viens, viens !» Et le comte entraîna Évrard dans la salle à manger qui se trouvait sur leur chemin. Là, le docteur Blasius fit subir un examen au prétendu écolier, mais il vit bientôt qu'il serait prudent à lui de ne pas trop s'aventurer avec le jeune érudit, car sur beaucoup de sujets, l'apprenti était, sinon plus instruit, du moins mieux instruit que le maître. L'aptitude vraiment remarquable d'Évrard avait, en effet, sur bien des points, dépassé la science un peu superficielle de Rosemonde, et il s'amusait, en dépit de sa modestie accoutumée, à étonner par son assurance le pédantisme classique du docteur officiel Blasius. « C'est un miracle !» dit finalement le professeur abasourdi. « Un miracle que vous devez le ciel, monseigneur le comte, non certes comme un dédommagement, mais au moins comme une consolation. » « Aussi, reprit Maximilien, en ai-je senti une joie telle que j'en ai un instant presque oublié le deuil de mon âme et de mes habits. « Hélas, oui, cher Évrard, apprends la funeste nouvelle que je ne voulais t'annoncer qu'après avoir éprouvé si tu étais digne de tes aïeux et de toi-même. Ton frère aîné, mon pauvre Albert. « Eh bien ? » demanda Évrard avec anxiété. « Il est mort, Évrard. Tué. Tué comme d'un coup de foudre en 3 jours par une fièvre cérébrale à 21 ans, quand un si bel avenir s'ouvrait devant lui, préparé par mes soins et par ses talents. Car, pauvre jeune homme, il avait déjà tant d'habileté, tant de ressources dans l'esprit, il savait déjà si bien se tenir sur ce terrain glissant de la cour, il se tirait si finement des intrigues les plus embrouillées, il déjouait d'un coup d'œil si prompt les ruses de nos ennemis et leur rendait si adroitement coup pour coup, et Dieu me l'a repris, Évrard, comprends-tu ? Mais il ne m'a frappé que d'une main, puisqu'il me rend un autre fils aussi digne qu'Albert de mon affection et des faveurs de sa majesté impériale. Tu continueras ton frère, mon enfant. Te voilà l'aîné et le seul héritier des Epstein, et tu sais à quoi cet honneur t'engage. Une vie nouvelle va commencer pour toi. Oublions le passé pour ne voir que l'avenir, n'est-ce pas ? Compte désormais sur toute la tendresse et toute la protection de ton père. J'ai formé des projets qui vont te faire regagner tout de suite le temps et le terrain perdu. Sois tranquille, mon fils, sois tranquille. » Évrard pâlissait et sentait ses genoux chanceler sous lui. D'un coup d'œil, il venait d'envisager tout ce que l'événement que lui annonçait son père allait apporter de changement dans son existence. Cependant, comme malgré ce combat intérieur, sa figure restait impassible, le comte reprit. « Évrard, tu es dès aujourd'hui officier au service de l'Autriche, entends-tu ? Voici ton brevet et ce n'est pas tout. » Le comte alla à une chaise sur laquelle était posée une épée et présenta l'arme à son fils. « Et voici ton épée, continua-t-il. Je ne devais te donner l'un et l'autre que dans 6 mois, mais puisque tu les mérites dès à présent, reçois l'un et l'autre de ma main. Et maintenant, Évrard, crois-le bien, les faveurs de l'empereur ne s'arrêteront point là. Mais nous reparlerons de tout cela une autre fois. Pour le moment, les souvenirs que ta vue a éveillés en moi, la mémoire de mon cher Albert évoquée par mes regrets, le bonheur ressenti en te voyant tel que je pouvais te souhaiter, toutes ces émotions bonnes ou douloureuses m'ont épuisé. Je te laisse causer avec le docteur Blasius. Avant la fin du jour, je te reverrai, mon Évrard. Je te dirai les grands desseins auxquels je veux t'associer et que tu comprendras, j'en suis sûr. Sois joyeuse en attendant et fais de beaux rêves, mon enfant. Tes rêves ne seront jamais à la hauteur de la destinée qui t'attend à la cour de Vienne, où tu me suivras dans quelques jours. » Puis le comte sortit, après avoir embrassé Évrard, anéanti sous le coup, et en faisant un signe protecteur au docteur Blasius qui se courbait jusqu'à terre. « Dans quelques jours à la cour de Vienne, » répétait Évrard atterré en regardant tristement son brevet et son épée. « Dans quelques jours ? Oh mon Dieu, que va-t-elle dire lorsqu'elle saura cela ?» Et il s'élança hors du château, malgré les cris du docteur Blasius, qui, n'ayant pas la prétention de le suivre, lui cria « Monseigneur d'Epstein, n'oubliez pas que l'on dîne dans 1 heure et que le comte votre père vous attend à souper. » Évrard ne fit qu'un bond du château à la chaumière. Il trouva Rosemonde se promenant dans le jardin qu'il avait disposé pour elle. Pâle et essoufflé, il apparut tout à coup devant elle, tenant encore à la main son brevet et son épée. « Qu'avez-vous donc, Évrard ? » demanda Rosemonde. « Ce que j'ai, dit Évrard, ce que j'ai, Rosemonde, le comte est arrivé, et comme toujours il ramène le malheur avec lui. « Que voulez-vous dire, Évrard ? « Voyez, voyez !» s'écria le jeune homme. Et il présenta à Rosemonde le brevet et l'épée. « Qu'est-ce que cela ? » demanda-t-elle. « Vous ne devinez pas, Rosemonde ? Non. Mon frère Albert est mort. Me voilà l'aîné de la famille et mon père, qui m'apporte ce brevet et cette épée, vient me chercher pour me conduire à Vienne. » La jeune fille devint pâle comme la mort, et cependant, un mélancolique sourire passa sur ses lèvres. « Donnez-moi le bras, Évrard, » dit-elle, « et rentrons. » Les deux jeunes gens rentrèrent dans la chaumière, et tandis que Rosemonde se laissait tomber dans le fauteuil de Jonatas, Évrard posait l'épée dans un coin et jetait le brevet sur une table. « Eh bien, Évrard, » dit Rosemonde, « ne vous l'avais-je pas bien dit ce matin qu'il fallait faire la part du malheur ? Seulement, il est venu la réclamer plus tôt que je ne pensais. « Que m'importe, Rosemonde ? » répondit Évrard. « Croyez-vous donc que je partirai ? » ?»« Sans doute, je le crois. » « Rosemonde, je ne vous quitterai jamais, je l'ai juré. » »« Vous n'avez point juré cela, Évrard, car vous auriez juré de désobéir à votre père et vous n'en avez pas le droit. » « Le comte m'a abandonné, il me l'a écrit lui-même, je ne suis pas son fils. » Il n'est pas mon père. » Une mauvaise pensée l'avait écarté de vous, Évrard. Une bonne pensée le ramène à vous. C'est Dieu lui-même qui n'a pas voulu cette division entre le fils et le père. Vous obéirez, Évrard, vous irez à Vienne. Je voulais dire Rosemonde, jamais. Alors c'est moi qui retournerai au couvent du tilleul sacré, car certes, Évrard, je ne serai pas la complice de votre désobéissance. Rosemonde, vous ne m'aimez pas. Au contraire, Évrard, c'est parce que je vous aime que je désire vous voir accepter ce que votre père vous propose. Il y a des devoirs imposés aux hommes le jour même de leur naissance et auxquels ils ne peuvent se soustraire. Tant que vous aviez un frère aîné, tant que la gloire et le nom des Epstein reposaient sur une autre tête que la vôtre, vous pouviez être heureux et ignoré. Maintenant, vous refusez à accepter l'héritage d'illustration et de douleur que le ciel vous envoie, serait un crime à la fois envers vos ancêtres et vos descendants. La carrière des armes que vous propose votre père est belle et honorable. Vous partirez donc, Évrard. Rosemonde, Rosemonde, vous êtes bien cruelle. Non, Évrard, seulement je vous parle comme si je n'existais pas, parce que, devant de pareils intérêts, l'existence d'une pauvre fille comme moi doit... Eh bien, Rosemonde, jurez-moi une chose, dit Évrard. Laquelle ? C'est que, si je ne puis détourner mon père de la résolution de m'emmener à Vienne, si je suis forcé d'embrasser cette carrière des armes où je n'apporterai que le dégoût de la vie et le mépris de la mort, enfin, si par cette carrière j'arrive à être libre, maître de moi, seul et unique arbitre de ma volonté, Rosemonde, vous accomplirez la promesse jurée ce matin, vous serez à moi. J'ai juré, Évrard, de n'être qu'à vous ou à Dieu. Je vous le jure une seconde fois, et rapportez-vous-en à moi pour tenir cette promesse. Et moi, dit Évrard, écoute bien, Rosemonde, je jure par la tombe de ma mère de n'avoir jamais d'autre femme que toi. Évrard, Évrard, s'écria Rosemonde épouvantée. Le serment est fait, Rosemonde, je ne le rétracterai pas. À moi ou à Dieu, à toi ou à personne. Les serments sont une chose terrible, Évrard. Pour les parjures, oui, mais pas pour ceux qui veulent les tenir. Rappelle-toi une chose, Évrard, c'est que tu n'auras pas besoin de venir me trouver pour te relever de ton serment, car de ce moment je t'en relève. C'est bien, Rosemonde. Voici la cloche du souper qui m'appelle. À demain. Et Évrard sortit, laissant la jeune fille effrayée de la froide résolution de son amant.